Le temps s'est écoulé sans que je puisse le constater. Tu as grandi, tu as mûri, Fanny, je sais. Je souris à cette fille qui nous lie, mais tu t'enfuis. Fanny, je sais que le mal est déjà fait.